Leçon 9B, exercice 10. Jeu de son. 1. Les élèves et leurs idées intéressent le professeur. Les bonnes idées de ces élèves sont très intéressantes. 2. Il appelle Mini. Qui il ? Arthur. Il s'appelle Arthur. Ils appellent leurs bons amis Julien et Julie. 3. Et où sont leurs bons amis? Ils sont dans la cour. Ils ont classe jusqu'à 5 heures. 4. C'est l'anniversaire de mon ami. Je dis « Bon anniversaire, Julie ». 5. Mon père aime les grands hôtels. Quand il est dans un grand hôtel, il prend toujours une chambre au premier étage.